Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Gilbert Sinoué est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Depuis quelques mois maintenant, je travaille avec Gilbert sur le projet d'un spectacle musical ayant Jeanne d'Arc pour héroïne. Et vous connaissez Gilbert Sinoué comme écrivain, attaché à son Égypte natale, conteur des grandes destinées d'Avicenne à Gandhi. Vous le connaissez peut-être moins comme auteur pour enfants. Et c'est pourtant à un jeune public qu'il destine son nouveau roman « Je m'appelle Jeanne d'Arc », illustré par David Pillet chez Le Duc Jeunesse. Il nous en parlera dès que je vous aurai raconté pour ma part le terrible, mais aussi le fantastique procès de Jeanne d'Arc. Et en ce début de week-end, oui, parce que ça approche, vous nous donnerez quelques idées de balade. Oui, on ira faire un tour du côté de Compiègne, où Jeanne d'Arc a été capturée par les troupes de Jean de Luxembourg. C'était le 14 mai 1430. L'occasion pour nous de parler, bien sûr, du palais et des curiosités qui l'accompagnent, et aussi de la clairière de Retonde. Enfin, on ira faire un tour là-bas. Et je sais aussi que Lorena Martin nous déniché une adresse extraordinaire. Mais c'est sûr, comme d'habitude, quel programme, dites-moi, Franck. Oui, vous savez, je n'ai qu'un but dans la vie, Anissa. Oui. Non pas vous capturer, comme Jeanne, je vous rassure, mais au moins captiver votre esprit. Au printemps 1430, Jeanne d'Arc a 18 ans pour autant qu'on le sache, et déjà elle a largement gagné son statut d'héroïne de l'histoire de France. En quelques mois, l'année précédente, alors que Charles VII était à la peine face aux Anglais et à leurs alliés bourguignons, cette jeune fille, venue on ne sait pas trop où à l'époque, elle venait des marches de Lorraine, elle venait de son Barrois natal, cette jeune fille a contribué à libérer Orléans. Elle a été perçue en quelque sorte comme l'instrument de Dieu, guidée par des visions de conseils, comme elle disait, des saints. Elle a ensuite conduit le roi jusqu'à Reims. Et là, Charles a pu être sacré, ce qui a considérablement renforcé sa légitimité, à l'extérieur bien sûr, mais aussi à ses propres yeux, une légitimité qui longtemps avait été pour le moins fragile. Jeanne insiste, après cette formidable réussite, il faut continuer la lutte pour bouter l'anglais hors de France. Mais sur le terrain, évidemment, les choses deviennent plus difficiles. Je dis plus difficiles, évidemment, parce qu'elle n'est plus accompagnée et soutenue comme elle l'a été jusqu'alors. En septembre 1430 notamment, elle ne parvient pas à libérer Paris, elle doit reculer, elle a été blessée. De plus, Charles VII paraît vouloir en passer par des tractations diplomatiques avec ceux qu'elle ne cesse de regarder comme des ennemis. Charles a décidé de faire taire les armes. Il tente d'ailleurs de freiner Jeanne. Seulement la jeune fille, pleine d'un caractère qui n'est plus à vanter, repart sans cesse au combat, sans formellement prendre congé de lui. D'ailleurs, ce qui irrite beaucoup à la cour, inutile de vous le dire. Et puis donc, fin mai 1430, j'ai dit le 14 tout à l'heure et j'ai vu Gilbert ouvrir de grands yeux, non, le 24 mai, pardon. Elle va être, c'est la fin de l'épopée de Jeanne à Compiègne, vous savez, la ville à l'époque est encerclée par les Anglo-Bourguignons. Le 23, elle fait le pari d'une sortie avec une solide troupe. Il faut l'imaginer, l'air décidé, bien installé sur sa monture en tenue militaire. Elle se porte vaillamment face aux Bourguignons. Son fameux étendard, nous dit Philippe Contamine, est haut levé, volant au vent. Et d'abord, son initiative a l'air inspirée. Les ennemis, c'est vrai, sont bousculés. Seulement, Jeanne va bientôt se faire surprendre par les Bourguignons. Or, il faut savoir que Guillaume de Flavy, qui est le capitaine de Compiègne, a déjà fait relever les ponts-levis extérieurs. Ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'il a piégé Jeanne dehors, si vous voulez. Tant pis pour les retardataires. Il a estimé, c'est en tout cas ce que nous dit l'histoire officielle, que le risque était trop grand pour les Compiégnois. Jeanne est aux abois, elle ne va pas s'en sortir. Vous savez qu'on tire sur sa huque d'or, sur cette espèce de grande cape qui l'accompagne désormais partout. Elle va chuter de cheval et les Bourguignons n'ont plus qu'à l'accueillir. Elle est capturée par le bâtard de Vendôme. D'autres de ses proches compagnons sont également pris par l'ennemi. C'est un échec cuisant et définitif qui va, sur le coup, remettre en cause l'aura de celle qu'on appelait la pucelle d'Orléans. Voilà ce que dit Olivier Hahn. Il ne fait aucun doute pour les contemporains que Dieu l'a abandonnée ou qu'elle-même s'en est éloignée par quelque faute personnelle. Depuis l'échec sur Paris, les doutes n'ont cessé de jalonner la marche de la pucelle. Encore une fois, la pucelle qui n'est plus soutenue, qui n'est plus financée, qui n'est plus accompagnée par la cour et par les très puissants soutiens qui jusqu'alors l'avaient conduite. L'historien, donc Olivier Hahn, souligne que cette arrestation arrange un petit peu tout le monde. Les Anglais, les Bourguignons, ai-je besoin de vous le dire, mais aussi toute une partie du camp français pour qui Jeanne est devenue un élément incontrôlable. La jeune fille est confiée à un grand personnage de la mouvance bourguignonne, c'est Jean de Luxembourg, et bientôt, elle sera détenue au château de Beaurevoir, on est au nord de Saint-Quentin. Alors, pour autant, elle ne perd pas l'espoir de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Elle va tenter de s'enfuir par la fenêtre d'une tour. C'est un saut vertigineux dont elle ressort blessée, mais pas très grièvement. Surtout, elle est vite reprise par les geôliers. Certains verront dans cet épisode une tentative de suicide. Lorsqu'on connaît Jeanne et lorsqu'on sait, lorsqu'on lit les réponses qu'elle a pu faire et à ses examinateurs de Poitiers et à ses juges de Rouen, nous y venons dans un instant, il paraît invraisemblable qu'elle ait plus jamais vouloir se suicider. Elle demeure donc à Beaurevoir pendant plusieurs mois, tandis que son sort se joue dans son dos, au-dessus et loin d'elle. Malgré elle, Jeanne est l'objet d'un marchandage avec les Anglais qui finissent par la racheter pour, et alors là ça paraît fou, pour 10 000 livres, c'est-à-dire une somme relativement modeste. Rien à voir avec ce qu'on aurait donné pour la rançon d'un très grand chevalier. On aurait été à 200-250 000 livres. 10 000 livres. Il a souvent été dit que Charles VII avait abandonné Jeanne, qu'il n'avait rien tenté pour secourir celle à qui il devait tout. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la réaction du roi à l'arrestation de Jeanne, ni ce qu'il a pu ou non entreprendre, puisque tout ça n'a pas laissé de traces, bien entendu. On peut espérer qu'il ait entrepris quelque chose. Pour ce qui me concerne, je n'en suis pas du tout convaincu. Quoi qu'il en soit, Jeanne est aux mains des Anglais à la fin de l'automne 1430. On l'envoie sous bonne garde vers la capitale normande, qui est un peu la capitale continentale des Anglais, c'est-à-dire Rouen. Elle doit être jugée par l'Inquisition, mais en fait, elle est envoyée dans un premier temps dans une prison régulière. Une prison régulière, c'est-à-dire une prison qui ne relève pas de l'autorité ecclésiastique. C'est pas une prison religieuse. Le cachot de Jeanne, précise Olivier Hahn, situé au premier étage donc de cette tour sous une voûte élevée, mesure une trentaine de mètres carrés et contient une latrine. Une meurtrière orientée au nord laisse entrer une lumière pâle. Le froid y est permanent et l'atmosphère sinistre, d'autant qu'on la fait dormir enchaînée sous la surveillance quasi permanente de ses gardes anglais qui l'observent depuis l'escalier. Malgré ses conseils, vous savez, ses conseils, ses saints qui sont là et qui lui apparaissent et qui la conseillent et qui l'ont si longtemps soutenu, on peut se demander quels espoirs demeurent pour cette jeune fille qui a vu son destin se briser. On va le voir lors de son jugement, et le jugement maintenant est imminent. Elle va se révéler, au-delà de toutes les difficultés qui l'assaillent, elle va se révéler d'étonnantes ressources. Quand elle arrive en tant que prisonnière, quand elle entre à Rouen, on peut dire de Jeanne qu'elle n'a pas du tout fini de construire sa légende. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez non pas les triomphes de Jeanne d'Arc sur les champs de bataille, mais sa chute. Après sa capture, on vient de la vivre, elle a donc été vendue aux Anglais. Elle va être jugée devant l'Inquisition à Rouen. Alors avant de savoir comment le procès va se dérouler, je m'interroge quand même sur Jeanne, sur l'histoire et sur la France de cette époque. Quels sont les rapports de force entre les Anglais, les Bourguignons et le parti français de Charles VII? Ils sont complexes et ils sont constamment mouvants. Vous avez bien compris qu'on est en pleine guerre de 100 ans, bien entendu. Et au moment où Jeanne arrive à Rouen, ça fait une bonne dizaine d'années que les Anglais et les Bourguignons se sont alliés contre le parti de ce qui était le dauphin Charles, devenu le roi Charles VII. Grosso modo, Charles a le centre et une partie du sud de la France, si vous voulez. On l'appelait le roi de Bourges, il y a encore peu de temps. Les Anglais tiennent toutes sortes de régions. Bien sûr, la Normandie et la Guyenne, ce qui n'est pas rien. Les Bourguignons, quant à eux, ont la maîtrise d'un vaste territoire dans tout l'est et nord-est du pays. Il constitue une puissance considérable dans l'Europe de l'époque. Il est indéniable que, dans ce contexte pour le moins difficile, Jeanne a contribué à un sursaut de Charles VII. Alors, la capture et maintenant le procès de la jeune fille, procès religieux, ne sont pas sans incidence politique majeure. Les ennemis du roi de France entendent bien démontrer que Jeanne n'est pas une envoyée de Dieu, mais au contraire une hérétique, et que c'est même une femme manipulée par le malin. On veut prouver qu'elle est une sorcière. Et la frêle Jeanne a toutes les raisons d'être dépassée par une situation qui met en jeu les plus grandes puissances de l'Europe. Vous imaginez sa situation incroyable. Le procès est dirigé par le fameux Pierre Cochon, évêque de Beauvais. Il a une soixantaine d'années, Pierre Cochon. Il est tout à fait dans le camp anglais. C'est un homme intelligent, dur, tenace. Les premières étapes du procès vont avoir lieu dès janvier 1431. Par exemple, la virginité de Jeanne est une nouvelle fois vérifiée. N'oublions pas que la plupart des juges sont des juges parisiens qui se trouvent à Rouen et qui donc sont fidèles, comme en bons parisiens qu'ils sont fidèles aux Anglais, hein, quand même. Mais ce sont des juges français qui jugent Jeanne et non pas des juges anglais, comme on aurait tendance à le croire, même s'il y a un certain nombre d'Anglais, évidemment, dans l'entourage des juges. C'est Olivier Anne qui raconte. « Dans la chapelle du château de Rouen, en présence d'une quarantaine d'assesseurs, la jeune femme s'avance et réclame aussitôt de pouvoir entendre la messe. Mais Cochon les conduit, car, attendu les crimes dont elle était accusée, diffamée et aussi qu'elle avait porté habit d'homme, on lui devait différer la dite requête. » Fin de citation. Les premiers échanges sont tendus, nous dit Olivier Anne, car Cochon souhaite qu'elle se soumette au pouvoir du tribunal, notamment en renonçant aux vêtements masculins. Jeanne, pour l'instant, s'y refuse. Et désormais, elle va devoir faire face à toute cette cohorte de grands docteurs, des gens infiniment instruits qu'il faut imaginer là, penchés au-dessus d'elle, l'écoutant, scrutant toute la moindre de ses erreurs. Alors on place auprès d'elle deux ecclésiastiques auxquels elle pourrait avoir recours sur un plan spirituel. Sa défense, elle l'assumera elle-même, même si elle aurait pu disposer d'un avocat, puisque Cochon le lui a ouvertement proposé dès la première session. Les questions déferlent sur la jeune femme. Certains interrogatoires sont publics, d'autres sont plus privés, si l'on peut dire. Ils ont lieu dans le cachot de Jeanne ou dans une salle à part, loin des regards. Jeanne est forte de son côté terre à terre. Elle a quelque chose d'étonnant, cette gamine, si vous me permettez l'expression. Elle tient tête à tous. Vous imaginez cet aréopage réuni devant elle de tous ces gens retors extrêmement intelligents, dont certains sont d'ailleurs tout à fait sincères dans leur conviction qu'ils ont affaire à une sorcière. Et on lui pose des questions, il faut qu'elle réponde. On lui demande notamment si elle pense être dans la grâce de Dieu. Réponse de Jeanne. « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. » Il y a toujours cette espèce de force lumineuse dans ses réponses. C'est assez spectaculaire. Vous savez, il faut lire tout simplement les minutes du procès de Jeanne. C'est une des lectures les plus étonnantes qu'on puisse faire concernant le Moyen-Âge. Elle est pleine de caractère, cette jeune fille. Elle s'astreint à garder le silence sur certains sujets. Elle l'avait dit dès le début. À côté de ça, elle est capable de répondre avec un certain aplomb. On lui demande si Saint-Michel se présente à elle habillé ou tout nu. Elle répond « Pensez-vous que notre Seigneur n'ait pas de quoi le vêtir ?» Les juges reviennent encore et encore sur les mêmes sujets, les voix de Jeanne, les vêtements masculins, tout ce qui dérange bien entendu à un moment de la procédure. On envisage la possibilité de la question, c'est-à-dire la possibilité de la torturer. Les juges vont finalement abandonner l'idée. De toute façon, le sort de la prévenue, de l'accusée, ne fait pas de mystère. Elle n'a pas toujours les meilleures réponses. La mauvaise foi d'une partie de ses juges va faire le reste. Et le 24 mai, donc, tout est fini. Elle est menée dans un grand cimetière où l'attend un échafaud. Il y a pas mal de personnes qui ont fait le déplacement pour être témoins du sinistre spectacle. Et là, on lui demande de reconnaître ses péchés. C'est sa dernière chance, si vous voulez. Elle a peu de force encore, Jeanne, mais elle en trouve encore. On ne sait d'où viennent toutes ses ressources. Elle fait face à la menace. Simplement, à un moment, elle craque. Sa résistance est vaincue. Comme la sentence fut commencée de lui être lue, nous dit Olivier Anne, elle dit qu'elle voulait tenir à tout ce que les juges et l'Église voudraient dire et sentencier. Surprise complète de Cochon qui s'interrompt. On rédige dans la précipitation une cédule d'abjuration en français qu'un clerc lui fait répéter à voix haute. Eh oui, on a eu raison, finalement, de sa ténacité. Et on signifie donc, officiellement, publiquement, que les voix de Jeanne n'étaient que tromperies. Elle le dit elle-même. Elle doit ensuite renoncer aux vêtements masculins et plus généralement, elle demande pardon pour toutes ses fautes, etc. Le mythe est en train de se fissurer sous nos yeux. Et évidemment, pour ceux qui sont là, et notamment pour les Anglais qui sont là, ça n'est pas encore assez. Ils sont furieux. Jeanne aurait dû être livrée aux flammes. Eh oui, mais que voulez-vous, elle s'est rétractée au dernier moment. On la renvoie dans sa geôle pas pour longtemps puisque, vous le savez, il va y avoir très vite un incroyable retournement de situation. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jeanne d'Arc cet après-midi sur Europe 1 et au cœur de son procès. Alors on l'a vu juste avant la pause, Franck, vous nous disiez que son procès était quasiment fini. Sa résistance est vaincue, elle a reconnu ses fautes, elle retourne dans sa geôle, mais bien sûr, il va y avoir un retournement de situation. Oui, car quelques jours seulement après cette abjuration publique, le 28 mai 1431 bien sûr, un certain nombre de juges, dont Cochon, retournent voir Jeanne dans sa prison et là, une surprise, était-ce vraiment une surprise, les attend. Les juges, nous dit Philippe Contamine, ne purent que constater qu'elle était habillée d'une tunique, d'un jupon et autres vêtements à usage d'homme. Quand elle doit s'en expliquer, Jeanne ne semble pas réaliser que c'est très grave, évidemment, parce que c'est ce qu'on appelle un relapse. Elle a fait le contraire de ce qu'elle avait promis au moment de son abjuration. Comment comprendre qu'elle ait remis les habits d'homme? La question fait débat, vous savez que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. On pense qu'elle aurait tout simplement voulu réparer la faiblesse qu'elle avait constituée au moment de son abjuration, inspirée par la peur de mourir, ou qu'on l'aurait piégée en lui donnant des habits masculins sans lui donner le choix, ou qu'elle aurait, dans sa prison, subi une agression sexuelle, et d'ailleurs on en a des traces historiques. Vincent Trémollet de Villers a, de ce point de vue-là, souligné cet aspect, je trouve que c'est très intéressant. Elle aurait bien subi une agression sexuelle qui l'aurait poussé à remettre ses anciens habits, qui étaient infiniment moins tentateurs et surtout moins pratiques, évidemment. Pas besoin de vous faire de dessin. Il pourrait aussi s'agir peut-être d'une manière inconsciente ou consciente de mettre fin au cauchemar en étant relapse. Quoi qu'il en soit, les Anglais, cette fois, peuvent être satisfaits puisque la jeune condamnée va leur être déférée le 30 mai. On prépare, place du Vieux Marché à Rouen, là où il y a aujourd'hui la Grande Croix, vous savez. On prépare l'exécution de Jeanne, l'hérétique qui est conduite là. La foule se presse, la scène est très éprouvante. On répète devant elle les péchés de la condamnée, bien entendu. C'est un sort terrible qui l'attend, bien entendu. Elle n'a plus maintenant que la prière pour elle. On sentirait bien le trouble, le désarroi dans la foule avec des gestes de compassion incontestables, mais déjà le feu se répand et l'épopée s'achève. Les derniers mots, c'est à monsieur Michelet que je les laisse. Cependant, nous dit Jules Michelet, la flamme montait. Au moment où elle toucha, la malheureuse frémit et demanda de l'eau bénite. De l'eau, c'était apparemment le cri de la frayeur. Mais se relevant aussitôt, elle ne nomma plus que Dieu, que ses anges et ses saintes. Oui, mes voix étaient de Dieu, mes voix ne m'ont pas trompé. Que toute incertitude ait cessé dans les flammes, cela nous doit faire croire qu'elle accepta la mort pour la délivrance promise, qu'elle n'entendit plus le salut au sens judaïque et matériel, comme elle avait fait jusque-là, qu'elle vit clair enfin, et que, sortant des ombres, elle obtint ce qui lui manquait encore de lumière et de sainteté. Bonjour Gilbert Sinoué. Bonjour Franck Ferrand. Je n'ai pas choisi, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons nous appeler, nous allons vous voyer, etc. C'est comme ça qu'on fait à la radio, c'est mieux. J'aurais pu choisir des épisodes infiniment plus brillants, plus souriants même de l'épopée de Jeanne. J'ai choisi volontairement ces heures sombres qui vont définitivement l'inscrire dans la légende. Et avec, en filigrane, cette question... Que pose Michelet encore lui ? La question du procès, dit-il, se trouva ainsi posée dans sa simplicité, dans sa grandeur, le vrai débat s'ouvrit. D'une part, l'Église visible et l'autorité, de l'autre, l'inspiration attestant l'Église invisible. Invisible pour les yeux vulgaires, mais la pieuse fille la voyait clairement, elle la contemplait sans cesse et l'entendait en elle-même, elle portait en son cœur ses saints et ses saintes et ses anges. Là était l'Église pour elle. Là, Dieu rayonnait partout ailleurs. Combien il était obscur. Elle a tenu tête au juge, Jeanne. Et néanmoins, presque au dernier moment, on la voit abjurer. Elle craque comme ça dans ce jardin de l'archevêché. Que s'est-il passé d'après vous ? C'est un peu ce que vous avez dit. Je pense qu'elle a simplement craqué. On lui montre carrément les flammes, en tout cas... Virtuellement, elle imagine bien ce qui va l'attendre. Peut-être que jusqu'à la dernière seconde, elle espérait que ses conseils viendrait la tirer de là, la sauver. Elle a vu qu'elle ne pouvait plus être sauvée. Je crois qu'elle a eu très peur, tout simplement. Et finalement, elle remettra les habits d'homme, elle sera déclarée relapse et elle sera finalement exécutée. Alors, est-ce que c'est bien elle qui a été exécutée? Plusieurs de nos auditeurs posent la question, je vais vous la poser aussi à vous dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jeanne d'Arc cet après-midi sur Europe 1. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et nous allons aller plus loin. Nous parlons notamment du procès et de la fin de vie de Jeanne d'Arc avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez l'écrivain Gilbert Sinoué qui vient de signer un nouveau roman jeunesse paru aux éditions Le Duc, Je m'appelle Jeanne d'Arc. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux avec Léo par exemple qui pose cette question. Franck, était-ce vraiment Jeanne qui a été suppliciée? Ah voilà, ça c'est l'une des grandes questions. Et il faut dire que l'épopée de Jeanne est littéralement tissée de mystères et que les questions, les grands points d'interrogation ne manquent pas sur ce sujet-là. Roger Sanzig et Marcel Gay, il y a quelques années, avaient fait paraître dans un ouvrage une thèse qui disait que ce n'était pas Jeanne qui avait été, c'est toute l'histoire hein, de Jeanne des Armoises, que ce n'était pas Jeanne qui avait été exécutée à Rouen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gilbert Sinoué? Moi, je pense que l'idée iconoclaste qui consiste à imaginer que ce n'était pas elle m'amuse beaucoup, évidemment. Mais là, nous sommes dans le côté iconoclaste. Il faut dire qu'elle arrive dans un carré à Rouen qui est complètement fermé. Les persiennes sont fermées. Il y a je ne sais combien d'arbalétriers qui montent la garde, qui empêchent la foule d'avancer. La foule donc n'est pas vraiment présente au pied du bûcher, telle qu'on l'imagine dans les images d'Épinal. La foule est maintenue assez loin du bûcher. Assez loin du bûcher, elle porte une cagoule. Donc on peut tout à fait imaginer que ça aurait elle pu... Elle est embronchée, nous dit la chronique, hein, c'est ça. Une chronique dit ça, voilà. Embronchée, c'est-à-dire qu'elle porte une coiffure qui lui cache en le partie visage. Le visage. Oui, voilà. Donc de là à imaginer qu'on a inversé les personnages... Bon, c'est amusant, mais enfin, on a quand même du mal à y croire, à moins d'imaginer le complot absolu qui aurait été d'ailleurs fomenté par Cochon lui-même. Oui. Cela étant, si vous me permettez, ce procès, en fait, est une absurdité, parce que quand on connaît bien l'histoire et vous êtes maître en la matière, on voit bien que cette pauvre fille a été totalement manipulée du début jusqu'à la fin. Quel a été l'objet vous complètement. Cette pauvre fille, vous allez nous faire des amis, je sens. Non, mais je dis ça avec tendresse. Cette gamine a été manipulée par Yolande Aragon, qu'elle a servi à un moment donné. On l'a utilisée. Yolande Aragon est la belle-mère du roi Charles VII. Hein. Absolument. Elle a servi, elle a été utilisée, et quand on n'a plus besoin d'elle, on l'a renvoyée à ses poupées. On lui a dit, maintenant, ma chérie, vous savez très bien faire de la broderie, voilà un peu d'argent, achetez-vous un château, de jolies robes. On n'a plus besoin de vous. Et elle a dû, avec cet argent, en fait, acheter des mercenaires pour continuer à se battre, ce qui prouve quand même que c'est un personnage assez extraordinaire. Elle aurait pu très bien se retirer. Elle, quoi qu'on pense, et quelles que soient les thèses sur lesquelles on peut évidemment discuter à l'infini, elle était bien habitée par quelque chose, par une mission. Hein. Elle était, je crois que personne ne peut mettre en cause la sincérité de Jeanne d'Arc. Absolument pas, oui. Absolument. Donc elle a été entièrement manipulée, c'est machiavélique quand on réfléchit bien. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée au milieu d'un ensemble, d'un réseau de pouvoirs et d'affaires diplomatiques, politiques terribles, qui l'ont dépassée. Ça, c'est... Et le fait même que Charles VII ne paye pas la rançon, qui était très peu finalement. 10 000 écus. Enfin, on lui demandait plus à lui, mais peu importe, il aurait très largement pu la payer. Charles V avait bien payé la rançon pour récupérer du Guesclin. Évidemment, évidemment. Donc, il pouvait très bien récupérer Jeanne. Pourquoi n'a-t-il pas payé cet argent? Donc, on voit très bien qu'elle a été l'objet d'une manipulation et que ce procès, finalement, est terrifiant. Et c'est terrifiant. Un procès en grand appareil, comme on dit. Ah oui, c'était de 95 théologiens qui sont réunis. Des 95, évêques. Ça commence à faire du monde. Tout le monde en grande tenue, dans la grande salle du palais. Avec le procureur, Estivet. Oui. Donc, pour revenir à sa mort, moi, ça me ferait très plaisir d'imaginer que ce n'était pas elle, mais je ne pense pas qu'on puisse accorder foi à une telle théorie. Et si justement, dans le cas où ce n'est pas elle, puisque plusieurs semblent le penser, que serait devenue la vraie Jeanne d'Arc? Il y a quelque chose là-dessus Elle aurait fait comme le Christ, elle serait partie à Srinagar, en Inde. Non, mais vous savez, là, on part dans le... Bien qu'il y ait eu des témoins qui, paraît-il, aurait vu Jeanne quelques années plus tard et l'aurait peut-être confondu avec son Claude frère. Claude Desarmoises, qui était je disais Jeanne tout à l'heure, c'est Claude Desarmoises dont on disait qu'elle aurait pu être Jeanne d'Arc. Bon, ça, c'est une théorie, hein, ça. Puis ouais. Il semblerait qu'elle était jumelle de son aussi, frère. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on a cru reconnaître Jeanne, mais en fait, c'était son frère? Bon, il y a plein de théories là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas de... Mais comme disait Franck Ferrand, cette histoire est tissée de mystères, au fond. Depuis le début, quelqu'un a envoyé un tweet là en disant qu'elle était peut-être de bâtard de Saint-Royal. La théorie se défend aussi. On pouvait imaginer. On a dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire et pourtant, elle signe de sa main. Donc, il y a effectivement énormément l'histoire des vêtements, comme soulignait tout à l'heure, est très bizarre. Elle accepte de porter des vêtements de femme et comme par hasard, elle se retrouve dans sa cellule avec des vêtements d'homme. C'est quand même très curieux que les vêtements d'homme étaient à portée de sa main, comme si on voulait la tenter ou... C'est comme si l'histoire n'avait retenu qu'un certain nombre d'éléments qui, mis ensemble, finissent par constituer un conte absolument fabuleux, mais qui ne rendent compte que d'une partie de la réalité, en quelque sorte. Ce qui est réel, en revanche, et ça c'est un élément que personne ne peut contester parce que ce sont des éléments écrits, juridiques, ce sont les minutes du procès, et c'est la splendeur, admirable. La luminosité des réponses de Jeanne. Admirable. Quand on pense justement qu'elle avait, dit-on, 19 ans ou 20 ans, que c'était une petite bergère, qu'elle gardait des moutons, alors etc. Elle dit qu'elle n'a jamais gardé des animaux. Jamais. Ouais. Mais l'incroyable intelligence des répliques, c'est une enfance surdouée. Il n'y a pas d'autre explication. Ou très conseillée par des voix, pourquoi pas. Alors, ce qu'on appelle des voix... Elle dit que ce ne sont pas des voix, ce sont des conseils qui lui apparaissent. Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'archange Saint Michel qui la conseillent et qui ne sont pas toujours présents au rendez-vous, si je puis dire. Il y a des moments où elle n'a plus contact dans avec ses conseils. Dans sa prison, si ma mémoire est bonne, il n'apparaît jamais. Alors que c'est là où elle a le plus besoin de ses conseils. Non, mais ça c'est l'aspect mystique. Mais en tout cas, elle était habitée par une force intérieure indiscutable, que je pourrais comparer, sans vouloir tomber dans l'excès, à des personnages comme Gandhi ou Martin Luther King ou Nelson Mandela. Ce sont des personnalités qui sont habitées par une espèce de force intérieure, alors qui les dépasse de loin et qui les inspire. Et je crois que Jeanne faisait partie de ces personnages-là. Il faut savoir que Jeanne fera l'objet plus tard d'un deuxième procès, bien en après sa mort, oui. Qu'on appelle donc un peu facilement d'ailleurs, semble-t-il, mais peu importe, en réhabilitation. Ouais. Mais ce second procès va faire passer à la barre tous les témoins de sa vie, de son épopée, et essayer de montrer à quel point elle n'était pas la sorcière que les Anglais ont voulu nous décrire. 25 ans plus tard, à peu près, oui. Sous Calixte III, je crois. Mmh, mmh. Et c'est à l'instigation de sa mère et de ses frères, qui, eux, avaient été anoblis, si ma mémoire est bonne, par Charles VII, déjà. Mmh. Oui, bon, réhabilitation, pourquoi 25 ans plus tard, pourquoi pas très vite, les questions se posent. Alors, d'une façon plus générale, c'est l'histoire même de cette jeune fille qui est étonnamment romanesque. C'est peut-être l'histoire la plus romanesque de toute l'histoire de France. Absolument. Et c'est ce qui vous a inspiré dans l'ouvrage que vous venez d'écrire, Gilbert Sinoué. Nous allons le feuilleter ensemble, cet ouvrage, dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Et parmi la liste des fournitures scolaires, nous avons un conseil pour vos enfants. C'est le nouveau roman jeunesse de Gilbert Sinoué, Je m'appelle Jeanne d'Arc, paru aux éditions Le Duc. Et justement, son auteur, Gilbert Sinoué, est avec nous cet après-midi pour parler de Jeanne d'Arc. C'est différent d'écrire pour les enfants, Gilbert Sinoué. Ah, c'est la liberté absolue. Et particulièrement cette collection qui a été imaginée par Fabienne Blanchu, permet à l'auteur une liberté totale, c'est-à-dire que c'est la récréation, on n'est plus obligé de respecter... En même temps, vous respectez l'histoire de Jeanne, hein, je précise tout de suite, je rassure les parents, vous n'inventez pas... Non, on n'en fait pas, on la place pas dans un western, non, mais elle permet d'imaginer des rencontres impossibles... Jeanne d'Arc qui apparaît sur un iPad, l'iPad du héros qui a 12 ou 13 ans. Voilà, ce sont des libertés qu'on peut se permettre et qu'on ne peut pas se permettre quand on écrit un livre d'histoire avec un grand H comme vous les écrivez. Alors, oh, ça dépend du jour, mais quelle a été l'inspiration de ce livre? D'où est venue l'idée? Écoutez, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est la directrice de cette collection qui m'a proposé Jeanne. Ne sachant pas du tout qu'elle hantait mes nuits et vos jours. Et donc, c'est un pur hasard. Elle m'a proposé Jeanne, comme elle aurait pu me proposer. Elle a proposé à Jessica Nelson Cléopâtre. Bon, j'aurais inversé les rôles, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Mais voilà, c'est un hasard pur. C'est la collection Destins Extraordinaires, voilà, pour ceux qui veulent se le procurer. Et vous la mettez à la portée des enfants, Jeanne. Absolument. Parce que vous n'oubliez pas qu'elle a été précisément une enfant un peu différente, et pour cause. Oui, et pour cause. Oui, enfin, le langage est différent quand on écrit pour des adolescents. Voilà, c'est un peu plus, disons, accessible. Et puis, je vous le disais, c'est du rêve constant, puisque c'est Jeanne qui va prendre ce petit garçon par la main et qui va l'emmener dans son siècle, et elle va l'amener à Don Rémy. Je précise que ce héros, le garçon en question, est né à Don Rémy, habite Don Rémy, donc il est chez lui, sauf que lorsqu'il sera au 15e siècle ou 14e siècle, qui sera plus chez lui. Alors, dans l'autre main, j'ai un autre ouvrage qui, lui, n'est pas du tout pour les enfants. C'est un livre très, très sérieux, ce qu'on appelle un ouvrage d'historiographie. Moi, vous savez que je suis très intéressé par l'historiographie, c'est-à-dire la façon d'écrire l'histoire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un livre sur Jeanne d'Arc, c'est un livre sur les historiens qui ont parlé de Jeanne d'Arc, comment ils en ont parlé aux différentes générations. C'est un historien de l'université de Düsseldorf, Gerd Krumeich, qui a écrit cet ouvrage en Allemagne. C'est donc une traduction. Jeanne d'Arc à travers l'histoire, préfacé par Pierre Nora, et Pierre Nora dit, c'est très intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, Gilbert Sinoué. Plus s'enrichit la connaissance de Jeanne, telle qu'ont largement contribué à le faire notamment les travaux de Philippe Contamine et de Colette Beaune, plus il apparaît impossible de dissocier la vérité de la mythologie. Peut-être ça l'histoire. On ne peut pas dissocier vérité et mythologie. Les deux ne font qu'un, dit-il. Jeanne est dans sa vérité historique un personnage mythologique. C'est peut-être ça la solution de notre énigme. Absolument, il ne faut pas séparer les deux. On est dans le mythe et dans l'histoire à la fois, on est dans le mysticisme et puis la force morale. Les deux sont finalement indissociables. Et pourquoi les dissocier d'ailleurs? Ce qui n'empêche pas de continuer à étudier toutes les sources disponibles. Et Dieu sait que sur Jeanne, elles sont très très nombreuses. Et d'essayer de comprendre certains épisodes. Je parlais pour commencer cette émission de l'arrestation, plus exactement de la capture de Jeanne, qui est une trahison à Compiègne. On sait maintenant que Guillaume de Flavie avait reçu la visite d'un certain Regnault de Chartres, qui est un membre du Conseil du Roi, qui s'était lui-même rapproché de Yolande d'Aragon, qui vient le voir, il était de sa famille du reste, il vient le voir quelques jours plus tôt, et quand Jeanne arrive, on la piège. On peut parler d'un piège quand même. On a organisé une sortie, et une fois qu'elle a été dehors, on a relevé les ponts-levis de la ville. Il semblerait que lorsqu'elle est sortie justement de la place forte, ils ont fait sonner les cloches à toute volée. Donc quoi, c'était une manière d'avertir les Bourguignons, les Anglais, qu'elle arrivait. C'était absolument incroyable. Oui, et on la pousse à sortir, on lui dit « allez-y ». Et quand elle fait demi-tour, plus de pont-levis. Et non. Et là, voilà, donc arrêtée, et ce sera le début de cette marche au supplice, d'une certaine manière. Absolument. Qui s'achèvera exactement un an plus tard sur la place du Vieux Marché de Rouen. Dans un instant, Gilbert Sinoué, nous allons nous rendre à Compiègne, au lieu même de la capture de Jeanne d'Arc, et j'en profiterai pour vous donner un certain nombre de conseils de promenade pour ce week-end, ou pour d'autres, bien oui, entendu. Bien sûr. Je rappelle que votre ouvrage, le nouveau roman jeunesse de Gilbert Sinoué, est paru aux éditions Le Duc Jeunesse, et ça s'appelle tout simplement « Je m'appelle Jeanne d'Arc ». Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il est temps maintenant d'aller découvrir les lieux où l'histoire s'est faite. Et puisqu'on parle de Jeanne d'Arc, Franck, vous nous emmenez très logiquement du côté de Compiègne. Oui, et alors je me rends compte, et je vais tout de suite réparer l'erreur de peur de l'oublier, parce que vous savez, quand on met choses de côté, généralement... Oui, on les oublie. On les oublie. Un dictionnaire encyclopédique vient de paraître. Ça, c'est formidable. C'est très utile, notamment pour les gens qui travaillent sur Jeanne d'Arc, parce que vous avez tous les éléments possibles et imaginables. C'est un très gros bouquin, bien sûr, paru chez Desclés de Brouwer, et ça s'appelle s'appelle Dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc par Pascal Raphaël Ambrogi et Dominique Le Tourneau, avec beaucoup d'historiographie justement, mais pas seulement, beaucoup d'éléments d'une façon générale sur Jeanne d'Arc. Et puis tiens, puisque j'y suis, j'en profite pour citer le dernier ou l'un des tout derniers ouvrages de l'ami Bruno Fulini, paru aux Arènes. Ça s'intitule « L'évêque cochon et autres noms ridicules de l'histoire ». Vous savez que c'était Régine Pernoud qui avait écrit un livre qui s'appelait « Jeanne contre les cochons », qu'elle destinait en fait, c'était une pierre dans le jardin du pauvre Henri Guillemin, et c'était assez scandaleux entre nous, mais ça nous entraînerait sur de tout autre terrain. Alors revenons sur le nôtre de terrain, sur cette merveilleuse ville de Compiègne, cité impériale extraordinaire, avec au cœur, bien sûr, son grand château qu'on appelle le Palais de Compiègne. C'est vrai que c'était un château d'État, incontestablement, où Louis XIV a fait quelques 75 séjours, si je ne m'abuse. Vous savez, il y avait comme ça un certain nombre de propriétés, un certain nombre de châteaux qui servaient de lieux de vacances à la cour. Lorsqu'on en avait assez du château de Saint-Germain-en-Laye ou du château de Versailles, ou plus exactement quand il fallait le nettoyer, le restaurer, etc., il n'y avait pas d'égout à l'époque. Donc, on allait l'automne à Fontainebleau, au moment des chasses, et généralement au début de l'été ou dans l'été, à Compiègne. C'était la maison d'été des rois de France que Louis XV a totalement remaniée. Il en a confié l'agrandissement, le remaniement général à son grand architecte, premier architecte du roi, Ange Jacques Gabriel, qui va faire cette espèce de palais qui fait penser à Buckingham d'une certaine manière. C'est dans ce style-là, c'est ce style néoclassique du règne de Louis XV. Louis XVI viendra lui aussi souvent à Compiègne. D'ailleurs, c'est à Compiègne que Louis XVI a rencontré son épouse, si je ne m'abuse, en forêt de Compiègne. Et ensuite, le mariage a lieu à Compiègne entre le dauphin, futur Louis XVI, et l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. Nous sommes là en 1770. En 1810, donc 40 ans plus tard, Napoléon Ier va recevoir à Compiègne sa seconde épouse, après le divorce avec Joséphine. Marie-Louise. Là, encore une archiduchesse d'Autriche, cette fois c'est Marie-Louise. Vous vous imaginez si on avait des smartphones à l'époque? Ah oui, qu'est-ce qu'on aurait pu raconter? Ça aurait tweeté. Ça aurait tweeté à mon avis. Et puis, là où ça aurait encore plus tweeté, c'est encore un peu plus tard, au moment du Second Empire, quand Napoléon III et l'impératrice Eugénie vont faire du palais de Compiègne leur résidence de prédilection, disons-le, où ils passent en gros toute la belle saison, en tout cas une belle partie de la saison. On appelle ça les séries de Compiègne, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des personnalités qu'ils veulent distinguer. C'était très intelligent, ça, de la part de l'impératrice Eugénie, de distinguer dans la société française des écrivains, des scientifiques, des industriels, etc., qu'on voulait récompenser d'une certaine manière et qu'on invitait donc à partager l'intimité impériale dans les petits appartements qu'on peut encore voir à Compiègne. Il y a des visites thématiques, on peut encore voir ces petits appartements d'invités où les gens s'installaient pour les séries. Alors, les grands appartements historiques, eux, font bien sûr la beauté de ce château. Il faut dire que, et ça c'est très intéressant, c'est à Compiègne qu'au lendemain de la guerre, la dernière guerre, ont été fixés les principes de restitution de ce qu'on appelle les états historiques. Et quand vous visitez les appartements royaux et impériaux de Compiègne, vous voyez que d'une pièce à l'autre, parfois vous changez de décennie, voire parfois même vous changez de siècle. On a restauré chaque pièce en fonction de ce dont on disposait, c'est-à-dire ce que l'histoire, ce que les vestiges nous livraient. Et donc vous avez des pièces qui sont intensément Premier Empire, d'autres qui sont intensément Marie-Antoinette, etc. Il y a à Compiègne, ne l'oublions jamais, un musée du Second Empire, très intéressant, qui a été enrichi notamment grâce aux dons qu'avait fait dans les années 70 le prince et la princesse Napoléon. Il y a toutes sortes d'objets incroyables. Il y a même, vous savez, la tunique que portait le petit prince impérial quand il s'est fait percer par les sagaies des Zoulous. Là, on voit la tunique percée au musée, c'est très impressionnant. Et puis, un musée de l'impératrice Eugénie, un peu dans l'esprit de celui qu'on voit à Vienne sur l'impératrice Sissi, qui nous montre les robes, les chaussures, les objets de toilette de l'impératrice, etc. On entre là, en quelque sorte, dans l'intimité du Second Empire. N'allez surtout pas à Compiègne. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois que je dis ça ici, mais n'y allez pas sans avoir donné un œil au Musée national de la voiture et du tourisme, collection phénoménale qui comprend une centaine de voitures à cheval, des voitures du XVIIe, sont les seules en France, XVIIe au XXe siècle. des automobiles aussi, parmi les plus étonnantes qui puissent exister, des wagons de chemin de fer, wagons royaux, impériaux, etc. C'est tout simplement passionnant. Et puis, il y a une exposition qui va bientôt ouvrir ses portes au Palais de Compiègne, une exposition qui ouvre le 6 octobre prochain, et on aura, je sais pas, trois mois à peu près pour la visiter. Ça s'appelle « Secrets de bibliothèque, les souverains et leurs livres à Compiègne ». Et ça, alors voilà un vrai mystère qui va être percé grâce à cette exposition, car on se demande toujours qui avait-il dans ces belles bibliothèques tellement spectaculaires, tellement grandioses, quels étaient les livres, qui les lisait, comment, pourquoi, voilà. Ce sont des réponses auxquelles on va bientôt répondre. Des questions, pardon, auxquelles on va bientôt répondre. Alors, quand vous serez à Compiègne, n'oubliez pas quand même d'aller voir un peu la ville, parce qu'il n'y a pas qu'un, il y a pas qu'un château, et les jardins, et la grande trouée magnifique, et les berceaux de l'impératrice. Hein, à Compiègne, il y a un certain nombre de... D'abord, l'hôtel de ville, qui est un des plus spectaculaires de tout le nord de la France. Le théâtre impérial, qui lui est attenant au château, tout à fait extraordinaire. J'ai eu la chance d'y dire des conférences. C'est un théâtre à l'italienne absolument magnifique. Et puis, des musées. Musée de la figurine historique, dont nous avons déjà eu l'occasion de vous parler ici. Musée du cloître Corneille, qui est un musée de sculptures religieuses, des sculptures médiévales, renaissance, etc. Là encore, assez spectaculaire. Et un musée de beaux-arts et d'archéologie qui s'appelle le musée Antoine Vivenel. Je sais que vous vouliez en parler, Gilbert Sinouet, mais nous n'aurons pas le temps. La consacrera. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller en forêt de Compiègne visiter la clairière de Retonde. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un événement historique majeur. L'armistice de la nuit du 10 au 11 novembre 1918 est signé dans ce wagon de Retonde. Alors le wagon original, il a été détruit sur ordre d'Hitler après l'armistice de 1940, qui elle-même avait été signée dans le même wagon, dans la même clairière. Mais on l'a reconstitué, bien entendu. Et vous pouvez voir aujourd'hui le wagon du maréchal Foch et de la délégation allemande. C'est toujours émouvant d'aller à Retonde. Allez-y vite d'ailleurs, car la clairière va fermer le 13 novembre prochain pour des travaux de restauration considérables en vue des festivités du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918-2018. Donc ce sera fermé du 13 novembre au 28 février prochain. Et puis, si vous avez le temps, allez faire un tour du côté de Pierrefonds, dont nous avons aussi beaucoup parlé. Il va y avoir bientôt, là, le 8 septembre, c'est-à-dire pas ce week-end, le week-end prochain, à l'hippodrome de Compiègne, un extraordinaire concours de feux d'artifice, grand concours pyrotechnique international, ça dure plus de 2 heures, vous en aurez plein les yeux, ça s'appelle les Masters de Feu 2017. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et puisque nous parlons de feux d'artifice, voici Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous avez une adresse à nous recommander. Oui, tout à fait. Une adresse, donc une auberge qui s'appelle l'Auberge à la Bonne Idée, qui est située dans le village médiéval de Saint-Jean-au-Bois, au cœur de cette belle forêt de Compiègne. On est là à une dizaine de minutes de Compiègne, entre Compiègne et Pierrefonds, dont vous parlez à l'instant. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est dans cette auberge que serait née la célèbre chanson « Mon amant de Saint-Jean ». Je ne sais pourquoi elle allait dans à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Cette chanson, en fait, a été écrite donc il y a plus de 70 ans. La première version date de 1937. Son premier titre était « Les barbeaux de Saint-Jean ». La chanson s'appellera ensuite « Mon costaud de Saint-Jean ». Mais on juge les paroles trop populaires. La chanson n'a pas vraiment de succès Mon au départ. « Mon costaud de Saint-Jean ». Et c'est en 1942 que Léon Hagel réécrit cette chanson sous le titre que nous connaissons donc « Mon amant de Saint-Jean ». Plus romantique. Et le producteur et compositeur Émile Carrara la dédie à sa fiancée Suzanne pour marquer leur promesse de mariage faite dans cette auberge. C'est une auberge, c'est donc un restaurant. On y mange quelque chose, j'imagine. C'est un beau restaurant étoilé au guide Michelin. Oui. Une très belle auberge avec des pierres, des poutres, des cheminées. C'est vraiment un intérieur bourgeois, très chaleureux. Et pour les beaux jours, ils ont même une magnifique terrasse ombragée qui donne sur le beau parc. Et donc, c'est le chef Yves Justinani qui est arrivé en 2002 et qui a des spécialités à n'en plus finir, comme les ravioles de foie gras, le carpaccio de langoustine, le bar en croûte de sel et le riz de veau qui plaît tant à Pierre-Louis Lancel de notre équipe. N'est-ce pas ? Eh bien, bon appétit à Pierre-Louis et à tous. Merci Lorena. Merci beaucoup, chère Anissa. À demain.